Laisse-moi prendre le micro pour l'Afrique, ce continent dont je suis originaire, au destin tragique. L'Afrique s'est fait piller par les colons, et on ose me raconter les bienfaits de la colonisation. Donc laisse-moi militer pour une Afrique réunifiée qui ne doit rien du tout au pays déjà développé. Laisse-moi insister sur le fait que les Occidentaux ont dévalisé les richesses d'une Afrique qui a bon dos. Et la tristesse m'envahit quand je vois les enfants africains qui se battent chaque jour pour pouvoir manger à leur faim. Africa, j'ai la haine de te voir rongé par le sida. Cette maladie incurable t'a frappé tel un coup bas. Là-bas, le taux de mortalité infantile est trop haut, l'espérance de vie est faible, donc les Africains meurent trop tôt. Et c'est pas normal que l'Afrique subisse tous ces supplices, le calvaire de ce continent, l'Occident en est complice. Afrique, tiraillée entre richesses culturelles et pauvreté économique. Afrique, tiraillée entre richesses culturelles et pauvreté économique. Mondialisation, tu serais donc amnésique, tu tires mon dis l'Afrique en piquant son fric. J'en veux à ton passé colonisateur, aux guerres civiles que tu crées pour maintenir la terreur. Ça t'arrange que ce continent ne puisse s'autogérer, ça te permet d'évaliser les richesses qui leur appartenaient. Apparemment t'as pas compris que ce continent t'appartient pas, que les ressources en tout genre ne sont pas pour toi. Ça fait des années que le continent africain est meurtri, esclavagisé, colonisé, aujourd'hui ça suffit. Et on s'étonne que des hommes traversent Gibraltar en bateau, pensant trouver en Europe un Eldorado. Ils quittent leur patrie, leur culture et leur famille pour fuir les guerres civiles ou bien la famine. Ouvrez les frontières à nos frères africains pour une culture cosmopolite. Chez nous, les Européens, numéro un des continents les plus martyrisés. De Madagascar au Maroc, l'Afrique a été ruinée. Mais laisse-moi terminer sur une petite touche d'espoir. Un jour, l'Afrique va se réveiller et se venger de l'histoire. Tiraillée entre richesses culturelles et pauvreté économique. Afrique, tiraillée entre richesses culturelles et pauvreté économique.